fallait mettre des câbles en loge, le wifi passe pas, putain, c'est ici d'ici quand même maintenant. Je vais te dire un truc, hein, le jour où les baltrins, quand j'ai la balle du golf arabique, seront capables de torcher une musique pareille, hein, bah là on pourra commencer à parler d'un choc des civilisations, absolument. Ouais, ouais. Non mais non, faut arrêter Johnny, c'est pas du rock. Non, non, tu vois, c'est non. Si Johnny c'est du rock, Benjamin Biolay c'est du death metal, à un moment, attends. Ça va quoi, Johnny, les mecs s'enfilent et tout ce qui s'est enfilé vivre aussi longtemps. Le mec a aucune décence, mais je te le dis, moi, bien sûr. Mais rien du tout, c'est un génie, c'est juste un interprète qui a eu du cul de se faire écrire ses chansons par Berger Goldman, c'est tout, bah bien sûr. Johnny, c'est comme Lucini, attends. Pas très compliqué d'avoir l'air brillant sur scène quand tu récites du Nick, du Sioran ou du La Fontaine, hein, ça va quoi. Mais rien à foutre de Lucini. Attends, mais le jour où il écrira ses propres textes, j'aurai peut-être un début d'admiration pour lui, bien sûr quoi. Ça va quoi, le mec qui détache les syllabes sous la lumière pour mieux faire croire que c'est lui qui les a attachées dans la pénombre, ouais, bien entendu. Le mec fait pas des spectacles, fait des contre-attrapages de lecture pour adultes, c'est tout. Hein, mais ça, c'est la France, un pays de tafiole mondaine influençable, mais bien sûr. Dès qu'elles sont en face d'un mec qui sait leur réciter une bibliothèque, ça y est, elles sont en plein vent, bien sûr. À part ça, elle est rentrée la clientèle. On est où là aujourd'hui, chérie? Gros quoi? Rodez? Je sais pas où c'est, moi. Non, peu importe. Donc on peut plus annuler, là, c'est trop tard. Non, mais c'est pas intelligent d'y aller. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'attentat majeur dans ce pays, là. Unique soirée culturelle de l'année, bon. Ah, ça va être pour eux. Ah, mais je sens que ça va être pour eux. Mais dehors, mais je vais les mettre en danger, ces gars-là. Parce que dehors, c'est la guerre, mon pote. Mais oui, c'est la guerre. En tout cas, à Paris, tu le vois. Cette présence militaire effrayante, les cinq bidas entassés dans une cambo grise. Hein. On va pas se mentir, ça évoque les heures les plus sombres du design made in Renault, on est bien d'accord. Hein, bah. Non, bah, attends, mais alors, mais y a plus rien à sauver, je te le dis, moi. Alors, t'as toujours trois couillons pour dire, ouais, mais le terrorisme, y'a qu'à l'amour, y'a qu'à l'éducation, y'a qu'à faire comprendre, mais je vais te dire un truc. Hein. Y'a qu'à 47. Hein. Oh. Ah, moi, plus que jamais pour changer le monde, je crois, pour voir de la K47. Ou du napalm, ah, le napalm. Oh. Tu sais, ce truc, c'est du round-up pour les humains. Ah, c'est grave. Ouais. J'ai eu des images du Vietnam, putain, ce que c'est beau. Oh, là, là. Tu sais, la petite niaque, là, qui gambade dans les rizières. En mode, t'as la fille de Johnny, hein. Tu vois, c'est grave, ouais, j'ai... Ah, je me suis masturbé quatre fois en regardant le poster, hier, c'est marrant. Mais tu vois, elle, au moins, elle était active, elle sautillait de rizière en rizière, tu vois, elle était pas passive comme l'autre gamin échoué sur la plage en Grèce, comment il s'appelle mais... Et voilà, Eilan, tu vois, le petit Grégory d'eau de mer, ah bah. Ah ouais, oui, oui, capitaine abandonné, plus le grand bleu, y'a plus personne. Non, non, mais moi, la première fois que j'ai vu l'image du gosse allongé sur la plage, je me suis dit, putain, ils se prennent des cuites de plus en plus jeunes. Et... Ah non, mais tu vois, mais moi, j'avais pas envie d'y aller, t'es en deuxième spectacle, c'est juste, c'est pas un métier, c'est un engrenage. Hein. Moi, je suis le Jawad de l'humour, hein, on m'a dit, ouais, c'est pour rendre service, je rends service, c'est tout. Hein. Moi c'est Ruquier, c'est mon producteur. Ouais vas-y, faut que tu fasses un deuxième spectacle, les gens ils t'attendent, je sais pas quoi. Mais je sais que le deuxième spectacle en général c'est la chute, t'as vu sur quoi ça débouche? Une chronique chez Drucker, une apparition chez Arthur, une pub pour le Crédit Lyonnais. Bon. Non, plus qu'un duo avec Kev Adams, c'est là tu sais que c'est mort. Hein. Non, mais je veux pas l'accabler, hein. Kev Adams, star préféré des 15-25 ans. Bon, ce qui prouve deux choses. Un, que la jeunesse française n'est pas antisémite. Deux, qu'elle a quand même très mauvais goût. Entre nous, j'aurais préféré que ce soit l'inverse, mais bon, on choisit pas, hein, c'est sûr. Non mais je dis ça, t'es peut-être juif, hein, je comprendrais que ça te choque, hein, c'est sûr. Troisième Reich, on aime ou on n'aime pas, hein. Mais tu vois, moi, mon grand-père, celui qui est en Argentine, il garde un très bon souvenir. Oh, là, là, là. De toute façon, je vais faire comme lui, je vais me barrer, moi, de Paris, tout ça. Je vais aller en province, c'est bien, là, Musée Soulage, tout ça, noir c'est noir, c'est bien. Passe un mois ici, tu tires une banane dans le babar. De toute façon, Paris, moi, je peux plus avec l'autre folle aux commandes, la Hidalgo, là. Après, elle cesse ta bicyclette, Pol Pot en vélib. Oh, ouais. Mais tu veux que les Parisiens et les Parisiennes se mettent au vélo pour que tous ensemble, on diminue la pollution. Ben voyons. Selon cette logique, Calcutta et Pékin, ça devrait être les villes les plus propres du monde, hein. Elles sont encore capables de répondre, c'est parce que je suis une femme, progressiste, féministe, écologiste de gauche, que vous stigmatisez mes idées pour les Parisiens et les Parisiennes. Non, non, c'est juste parce que t'es conne. Après, moi, je peux pas être objectif, hein. Je suis en moto et je supporte pas les cyclistes. Maintenant, entre nous, le cycliste, c'est le prototype de l'handicapé avec des revendications. Hein. Pardon. Comme ils se sentent faibles, ils se sentent prioritaires. Ah, mais attention, hein, je peux pas accélérer, je suis fragile, j'ai des freins de merde, j'ai une petite corbeille, j'ai une laisseuse protégée. Tiens, carrefour, le feu est tout rouge, et si j'y allais quand même, boum, le bus, et ben voilà. Non, mais je te jure, chaque fois que j'en double un, hein, moto, il est là, accroché à son vélib de merde avec son pot de chambre sur la tête. S'entraîner pour ses balades en poussette et roller sur les quais de Seine avec sa barbe de djihadiste du web design qui se prend pour Steve Jobs parce qu'il vient de créer un jeu de lancer de pingouin pour iPhone. Non mais c'est bon. Ouais, je suis créatif, l'avenir c'est le numérique, c'est unique. Hein. Le mec tellement chargé de coke que s'il éternue, peut tuer quelqu'un, quoi. Non, puis me casse les couilles avec la révolution numérique, ça sert à quoi? Non, mais entre nous, hein. C'est le truc qui a servi à monter Siri pour iPhone, c'est le truc où tu peux parler à ton iPhone, hein. C'est Siri, ce système de merde, là, qui te fait appeler ton ex à chaque fois que t'as le malheur de dire grosse pute trop près du téléphone. Et puis en plus, il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver, quelle couillonnade. On a eu les Jeux, on a eu les Jeux. Non, non, c'est les autres qui en voulaient pas. Calme-toi, ah bah ouais. Après, il faut pas lui en vouloir à la Hidalgo, hein. C'est sûr qu'avec un nom pareil, à l'hôtel de ville, elle était quand même plus préparée pour gérer la loge du concierge que le conseil municipal, hein, c'est clair. Quoi, on peut plus se foutre de la gueule des Espingouins, eux aussi, c'est fini. Ils ont été classés à l'UNESCO, rayon diversité susceptible avec les musulmans, les juifs, les lesbiennes pro GPA, les transgenres cul-de-jatte et les trisexuels allergiques au pollen. Ah non, mais de toute façon, là, j'ai monté sur scène, je sais même pas de quoi j'ai parlé aux gens, je sais pas ce qu'il est passionnant. La politique, mais ils s'en foutent de la politique, question. T'as vu ce que ça donnait, la présidentielle? Affrontement Marine Le Pen-Macron, putain. La fille à son père contre le plan cul à sa grand-mère. Oh, là, non, mais même Macron, tu te souviens à l'époque, comme tous les autres blaireaux, il allait faire un tour au salon de l'agriculture, s'est pris un œuf sur le crâne, tu te souviens? Pouc, l'œuf. Ah, il s'en est jamais remis. Ah, il était choqué, hein. Ah, bah, normal, hein. Le gars, c'est la première fois de sa vie qu'il voyait un ovule fécondable. Après, il a une qualité, bah, il a tout défoncé, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus personne. Tu me diras, c'est normal, hein, il a l'habitude de défoncer les vieilles structures, alors c'est bien. Ah, je te dis, politique, c'est fini, islamisme, ça n'intéresse plus, heureusement. Mais... Tu te souviens, à l'époque, là, les mecs de Daesh, avec leur communiqué débile, là. Occident, adorateur de la croix, fais attention à toi. T'as envie de lui dire, hein, parce que toi, tu crois que c'est plus malin de tourner en boucle autour d'un cube en béton en rideau de douche par 50 degrés à l'ombre? Les mecs sont là, Dieu est grand, mais qu'on l'inscrive dans un club de basket et qu'il arrête de nous casser les couilles, c'est tout. Mais toi, tout ça, ça te dépasse, toi, tu t'en fous, bah ben ouais. Toi, t'es un technicien, tu restes en coulisses. Hein. Déjà, par rapport à nos autres artistes, bon, t'as des besoins vachement moindres, hein, c'est sûr. Hein. Ah bah, toi, on te file un paquet de tabac à rouler, un Beaujolais Village qui sent la banane, c'est Noël pour toi. Ah bah, ben, non, mais après spectacle, t'iras partager un joint avec tes potes technicos, t'es rentré chez toi, sauter ta meuf qui j'imagine bosse comme serveuse ou assistante sociale, non, mais... Hein, t'es la meuf qui vote Mélenchon, quoi, la lesbienne refoulée, quoi, bah ben, bien sûr. T'es... Comédienne ratée, fille à papa, elle a fait le cours Florent, et là, c'est arrivé trop tard à la soirée de Weinstein, donc chômage. Quoi, mais évidemment, je suis misogyne, mais c'est une maladie professionnelle dans le milieu de l'humour. Comment veux-tu respecter une femme quand t'arrives à la sauter juste parce que t'arrives à la faire rire, pardon? Toi, t'es là, blablabla, t'es trop drôle, tu veux jouir sur mes seins ou sur mes fesses, non mais attends. Et puis un rire, c'est quoi? C'est un groupe qui se trompe de direction, mais bien sûr. Non mais je vais y aller, non, mais j'ai jeté un œil dans la salle, j'ai vu regarder qui y a ce soir. Il paraît qu'ici, c'est l'agriculture qui fait... Ah ouais, quoi, du coup, il y a des vieux dans la salle, pas mal de vieux, hein, putain. Facile à repérer, le vieux, tu regardes que les pieds, toutes les chaussures à scratch, c'est du vieux. Hein. Je peux pas les encadrer. Ils sont là à se plaindre parce qu'on va augmenter la CSG. Putain, les mecs, on doit payer leur retraite, leur dette, réparer leur connerie écologique. Ils te font chier parce qu'ils auront 20 balles en moins par mois. Non, mais ça va. Quoi. Non, mais il y a des canicules qui se perdent, c'est sûr. Après, je veux pas exagérer. Je veux dire, quand je dis qu'il y a tout dans la salle, il n'y a pas de public communautaire. En général, ça y est. Mais en public communautaire, tu vois, c'est les mecs qui sont là. Justice pour Théo, justice pour Adama. Ça va. Pour une fois que les flics ont mis un peu d'amour dans leur intervention. Ah bah, le gars, au lieu de gigoter, il aurait mieux fait de se détendre. Il aurait peut-être aimé ça. Bah ouais. Et c'est ça le problème des mecs de banlieue. Ils sont pas assez ouverts aux sexualités alternatives, c'est tout. Mais quelque part, bon, tu me diras, c'est normal que j'ai pas un public communautaire. Hein. Bah, attends, je suis pas juif, je suis pas musulman, je suis pas noir, je suis pas pédé, je suis pas ch'ti, je suis pas marseillais. Bon. Sous cet angle-là, j'ai envie de dire ouf, j'échappais belle. Ah bah ouais. Moi, j'ai un public métissé, mais de type caucasien, tu vois. Ouais, multiculturel à tendance caucasienne, parce que je pense que dans la salle, il y a des bobos aussi, c'est les mecs qui sont barrés de Paris, ils sont là, maintenant, ils se cachent, tu vois. Ouais, tu vois. Bah oui, non, c'est bon, je vais y aller, je sais que les gens s'impatientent, bah, c'est normal, quoi. Ils ont payé, ils sont mal assis. Depuis 10 minutes, ils fixent un rideau noir. Là, ils doivent se dire, ce gros con est encore capable de tout nous faire de la loge. C'est pas faux. Encore mieux, t'as certainement 2-3 blaireaux abonnés à Télérama ou Libé qui sont en train de chercher la signification du trait de lumière rouge sous le rideau. Là. Mais ce trait de lumière rouge ne serait-ce pas comme une allégorie du fascisme décomplexé à Donald Trump? Je me branle. Ils attendent quoi? Que je leur dise que j'ai placé 3 migrants dans un cas, hein? Parce que derrière le connard sur scène, il y a un humaniste, hein? Bon, les migrants, moi je peux pas, qu'est-ce qu'ils sont cons ces mecs? Oh bah qu'est-ce qu'ils sont cons. Attends, tu traverses des pays magnifiques comme la Grèce, l'Italie, l'Autriche, tout ça pour aller où? À Calais. Ouais, ils veulent aller en Angleterre, bah c'est encore pire quoi, la France c'est pas assez bien pour eux. Mais ça c'est le migrant moderne, il est exigeant, bah il est exigeant. Si le pays lui plaît pas, attention, il risque de déposer un commentaire négatif sur TripAdvisor. Attends, là j'ai un texto de Ruquier, là, c'est mon pro... Qu'est-ce qu'il veut encore? Si ça te stresse trop de remonter sur scène, tu seras toujours le bienvenu aux grosses têtes. Ah putain, ça c'est une menace. Oh. Ah, je le connais, grosse tête, j'ai fait ça deux fois dans ma vie, plus jamais. Ah bah quand tu te retrouves coincé entre Stevie et Christine Bravo, très vite tu envies les otages de Koulibaly. Ah, bah. C'est le roumain qu'on a croisé tout à l'heure qui a la régie, comment il s'appelle? Chloupescu. Hey, Chloupescu, s'il vous plaît, à toi, allumez lumière. C'est, s'il vous plaît. Il est un peu lent, il a pas de bras, il fait tout avec le pif. Vas-y, Chloupescu. Quoi, je vais pas y aller comme ça, c'est quoi le problème? C'est pas un costume nazi, c'est un costume traditionnel de chez moi dans le Tirol, c'est tout. C'est ce que je veux, là, ça. Bon, là, je vais arriver, ces idiots, ils sont encore capables d'applaudir comme des macaques. Putain, tout ça pour payer les pneus neige de sa Porsche, sans déconner, là. Aucun orgueil, aucun. Alors bonsoir, ça, super content de venir à Rodez, vous m'avez manqué, c'est toujours un plaisir pour d'autres artistes de traverser des villes, de mettre du bonheur aux gens, de recevoir, etc. Donc j'ai regardé le programme du théâtre, contractuellement parlant, on est obligé de passer un moment ensemble. Vous avez acheté un billet, moi je dois fournir une prestation, vous avez besoin de rire, j'ai besoin d'argent. Donc il y a deux solutions pour passer ce moment, soit vous riez à la moindre de mes petites provocations débiles et on n'en finira jamais, soit vous restez fidèle à votre réputation publique de province, public intelligent, exigeant, qui voit beaucoup de spectacles de qualité, qui se laisse pas avoir par la logorée d'un intermittent parisien à la mode. Dans une demi-heure, c'est plié, on est tous à la maison, vous voyez? Ce soir, deux types de publics, ceux qui me connaissent pas, qui sont venus traîner par un pote. Tu vas voir, trop sur scène, c'est vachement bien, tu vas voir, regarde. J'espère que vous aurez perdu un ami. Deuxième type, ceux qui ont vu le premier spectacle, ils viennent voir le deuxième, qui sont dans une attente, c'est humain, c'est légitime, ils sont là, Proust, il va nous donner quoi ce coup-ci, qu'est-ce que... Alors vous êtes typiquement ce que j'appelle dans la névrose de vouloir revoir son ex. Et ça, c'est pas glorieux, parce que généralement, quand tu vas revoir ton ex, c'est soit pour te convaincre que t'as bien fait de te barrer, tu refais un petit test, parce que t'as un moment de doute, bon voilà, soit parce que t'es dans un moment de faiblesse, tu sais qu'elle est encore attachée à toi, et toi, ça fait longtemps que t'as parfait sans capote, et comme il y a une confiance... Tu sais que tu peux barbouiller tranquille par tous les trous, tu vois. Tu vas pas te réveiller dans 3 mois avec les analyses médicales de Pierre Berger. Bon. Ça va, il est mort, on peut se foutre de sa gueule maintenant. Miskin de Pierre. Alors, donc je pense que si vous venez voir Proust, généralement, c'est parce que les gens ont envie de se faire insulter pendant une heure et demie, ce que je comprends, hein. Vous faites tellement respecter dans la vie quotidienne qu'il faut bien vous penser le soir. Et puis parce qu'il y a un besoin de violence, vous avez envie de vous défouler, ça je comprends, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de violence à l'extérieur, au hasard, il y a 1 an et demi, cette interprétation très libre du code de la route sur la promenade des Anglais. J'ai entendu un... Si t'attends le sketch du K.O.S, c'est chez Danny Boone en fait, c'est pas... Je vais bien, tout va bien. Donc il y a un besoin de violence, en même temps il y a une petite peur, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'attentat majeur, et vous dites ce soir, y aurait-il pas un risque d'intrusion inopinée des groupies de Mahomet? Spectacle vivant, pour le moment. Rassurez-vous, on a prévu une parade de sécuritaire, si jamais il y a une intrusion inopinée. Il paraît qu'au Bataclan, ils ont épargné tous les mecs qui connaissaient des sourates du Coran. Donc pour sécuriser le truc... On va commencer par apprendre une petite comptine. On va être franc avec vous, si vous avez des bases de catalan, ça va pas beaucoup vous aider. Hein. Allez, on y va tous ensemble. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, l'abi wa l'anani, wa maliki, yawmi wa dini, wa rahman ar-Rahim, wa l'couscous, wa l'tajin. À vous maintenant. Ok, public de réac, je m'adapte. Hey les amis, big it! Jetzt singen wir alles zusammen, was wissen wir? Die Fahne hoch, die Reihen festgeschoben. En Alsace, ils la connaissent par cœur. Alors, Hein, et déjà, les gens de gauche dans la salle, qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce qu'on fout là? Rassurez-vous, gens de gauche, s'il y a des nazis ce soir dans cette salle, que faire? Que faire? Pensez vivre ensemble, je te tiens par la main, ok? Non, provocation, évidemment qu'il n'y a pas de nazis, tout simplement un public de français moyen, donc pas très doué pour les langues étrangères. Alors, français pas doué pour les langues étrangères. Suffit d'écouter un contrôleur de TGV qui essaie de faire une annonce en anglais. Ça fait 20 ans qu'il fait la même, le mec il galère encore. Hein. Il est là, ladies and gentlemen, welcome to the bar to open to thank you very much to the next PlayStation. Tu sais jamais si c'est une annonce ou un rébut, quoi. T'es là. Mais tu lui dis rien, sinon il va se mettre en grève, tu fermes ta gueule, tu dis oh. On va sécuriser la soirée autrement, je tiens à votre sécurité. Chloupesque en régie là. Si jamais intrusion inopinée des groupies de One Direction, la mec. Tu vas lancer le chant du muezzin, et nous on va être plus malins que les terroristes, on va se la jouer salle de prière clandestine, ok? Tu lances le muezzin, vous vous foutez en halawakage, là. Et moi je fais la discussion avec les terroristes. Wesh frère, enlève les babouches, rejoins-nous, viens prier, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas là Tariq Ramadan, comment? Il est en prison. Et dans le judiciaire, d'être Capitaine Dreyfus à tous. Justice pour frère Tariq. Alors. Évidemment, pour que le coup de la salle de prière clandestine soit crédible, ce serait bien que les femmes se foutent au fond. Et si en plus elles pouvaient se mettre cette petite nappe magique, hein, cet accessoire de mode qui transforme instantanément une femme moyenne en cagette à endive, alors là, regarde. Ah, peut-être des femmes voilées dans la salle, c'est déjà arrivé. Hein, là, non, moi je mets le voile, c'est pour le respect du corps du prophète, dans la laïcité pour tous, je fais ce que je veux avec les cheveux, je respecte, se respecte, tout là se respecte. Ferme ta gueule, je t'explique un truc. Ce petit voile, c'est juste pour gérer la jalousie de ton mec. Parce que le barbu qui t'accompagne, là, le hipster en djellaba soquette blanche dans sandalette à nos chaussures, bon. Lui, il est pas con, il est pas con. Il a très bien compris que ça excitait aucun mec sur cette planète de se taper un draus, hein, d'où émerge une tête qui évoque au mieux une leucémie qu'en rémission. Hein. Donc mesdames, vous pouvez commencer à bouger derrière. Alors elles mettent toujours du temps avec ce prétexte. Ah non, mais si je me mets derrière, hein, c'est quand même par là qu'ils entrent les méchants. On va pas se mentir. Vous venez de marquer un point. Après, en tant que féministe, c'est la meilleure blague de spectacle. Ah ouais. En tant que féministe, quand on est pour l'égalité homme-femme, je pense que c'est important que les femmes sachent aussi ce que ça fait d'être au front en première ligne. Hein. Égalité, égalité, on a tous les mêmes droits. Enjoy, je t'en prie. Vas-y. Je pense un truc, au moment de se foutre en prière, je rappelle que la prière musulmane, c'est pas Rabbi Jacob. Le premier qui nous fait ça va rapidement rajouter de la merde sur de la merde. Hein. La prière musulmane, c'est pas tellement l'illusion de donner des coups de boule dans le vide, oh que non. On est plus proche du mec qui sniffe des acariens sur un tapis, mais... Après, à titre personnel, j'espère qu'il y a des juifs dans la salle. Hein, ça sera un peu notre bouée de sauvetage. Ou notre paratonnerre, pour la rassurer. Je sais qu'il y en a... Si vous pouviez ne pas être répartis en étoiles, je sais que c'est plus funky, mais... Non, non, mais je sais qu'il y en a, on a vendu des tickets sur billets réduits, donc ça devrait aller. Ah, parce que ça, c'est pratique, comme ça, si on se fait attaquer par des musulmans, on dira, voyez ça entre vous, vous avez tellement de choses à vous dire, parce que nous... Parce que moi, c'est pas mon problème, le Proche-Orient, j'en ai rien à foutre, hein. Jérusalem, ça devient la capitale de la Palestine, d'Israël ou du Poppers, je m'en branle. Est-ce qu'on vient vous emmerder au Proche-Orient avec les problèmes de la Corse? Non! Non, on voit pas à Gaza ou Tel Aviv des mecs en cagoule en train de défiler « Imouvrini, libre !» Non, on voit pas. Donc c'est vos histoires. Prenez... Alors, donc il y a des juifs ce soir, c'est bien. Il y a peut-être des musulmans aussi, je les respecte infiniment. Il y en a des biens. Même si parmi eux, on trouve toujours quelques pétainistes refoulés, faut être honnête. Non, mon épicier arabe à Paris, mec très sympa, pétainiste refoulé. Oh. Commence toutes ces phrases par « pétinque, bordel de merde !» Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis posé la question « Warum so viel Hass ?» Pourquoi tant de haine entre les Juifs et les Arabes ?« Warum so viel Hass ?» Et c'est Shinji Baren. Et je peux comprendre qu'il y ait de la haine de la part des Arabes vis-à-vis des Juifs. C'est vrai qu'inventer les chiffres arabes et voir d'autres mieux s'en servir... Mais je vous rassure, j'ai pas plus parlé du Proche-Orient, parce que moi c'est un conflit qui me saoule, et puis à un moment j'en avais assez des chouineries. D'un côté comme de l'autre, hein, même du côté palestinien, les mecs sont là, ouais, Israël, ils ont une vraie armée, nous on a des cailloux, bah, c'est pas juste, dis ouais, c'est vrai, c'est pas juste peut-être. Alors va voir tes potes du Qatar, là, ils ont plein de fric, ils ont qu'à t'en prêter, fais une vraie armée, va te battre. Alors ils vont voir le Qatar, et Qatar, frère, Palestine, aussi. Vas-y, allonge le pot. Et les mecs Qatar, oui, on aimerait bien t'aider, mais en ce moment on peut pas, on a pas de fric, on vient d'acheter Neymar. Et puis on a acheté Mbappé et le Sheikh, il est en dépression, parce que par rapport à ses ancêtres esclavagistes, si on lui avait dit un jour qu'il ferait un chèque de 180 millions pour acheter un noir qui court derrière un ballon. Deux siècles en arrière, Mbappé, tu l'avais gratos, c'est un marché de la Mecque, hein. Oh non, non, non. Viens ici, toi, porte le sac. Ben voilà, c'était... La vie était plus simple. Mais alors... Maintenant qu'on a fait les sujets consensuels, alors... On va attaquer dans le vif du sujet. Alors j'ai pour l'habitude, parce que moi je pense à vous, je pense à moi, on essaye d'être tous ensemble ce soir, n'est-ce pas? Et j'ai pour habitude de dédier cette soirée à quelqu'un d'important qui a accompagné ma vie, si possible la vôtre. Et je pense à un mec qui nous a accompagné pendant 5 ans, qui a quitté ses fonctions, c'était le 7 ou 8 mai, je crois. Un homme exceptionnel. Alors là, on n'a jamais vu ça. La France avait enfin trouvé le martien de la soupe au chou. C'est un... Alors lui... Tout ce qu'il a touché, ça s'est barré en couille. C'est... Jedi de la loose. Le gars... Obi-Wan, maybe. Et c'est vrai que l'heure du bilan est arrivée et on peut faire... On peut se dire, mais est-ce que ce gars-là, il va laisser une trace dans l'histoire? De quoi qu'on va se souvenir quand on va penser à François Hollande? Quelle sera la première chose qu'il va faire? Hollande, ah oui, c'est lui. Il a réhabilité un truc. Le plan cul à la française. Casque, scooter, intermittente, c'est lui pour l'éternité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est quand tu le vois, tu t'y attendais pas spécialement. Alors, ben, il faut être honnête, hein. Hollande dans la pub Nespresso, c'est le mec qui vient réparer la machine. Hein. Ah ben, ouais. Il arrive, il se penche, il y a l'arrêt. Enfin, non, mais. Ah, mais il n'y a rien qui est en place, hein. On est bien d'accord. Ah, non, non, non. Enfin, maintenant, il va pouvoir profiter de ses amours avec Julie Gayet. Il a déménagé dans le Gers, je crois. Je crois que, a priori, jusque-là, c'était pas touché par la grippe aviaire, pourvu que ça dure, enfin bon. D'ailleurs, chouette nana, Julie Gayet, qu'on n'a pas eu le temps de connaître, et c'est vrai que c'est un problème, parce que tous les soirs, on fait des insomnies, on se dit, merde, qui était cette femme? Et récemment, elle s'est confiée à un illustré, on lui a demandé qui êtes-vous, elle a dit, qui suis-je? Actrice, femme engagée et amoureuse de François Hollande. L'exploit de cumuler trois humiliations, une description, quand même. Après, femme engagée, j'ai remarqué que dans ce pays, il ne faut pas grand-chose pour être engagé. Enfin, pour moi, engagement égale risque, adrénaline, danger. Quel risque tu prends à t'engager pour le mariage pour tous ou plus de places de crèche, hein? Ça va, tu ne reviens pas vivant de Verdun, redescends, tu vois. Qu'est-ce que tu risques à part finir à dîner chez Hidalgo avec Aymeric Caron à table et Taubira en cuisine? C'est prêt, tu vois, il n'y a pas de... Alors, j'ai dérapé. Pardon, j'embauche. Vraiment, ça, c'est parti, parce que Taubira, c'est la seule icône. Ça, je touche pas. Je ne touche pas, non. Alors, femme et noire, voilà. Cumule des mandats. Alors, quand t'es blanc et que tu commences une phrase par Taubira sans avoir l'impression de te jouir dessus de fascination, très vite, on entend au loin le froufrou des chaînes dans un champ de coton. Hein. Dire Taubira d'une façon ou l'autre, quand t'es blanc, t'es déjà à mi-chemin entre Mein Kampf et le livre de la jungle. Ah ouais. Et puis moi, je vais pas critiquer quelqu'un qui a une culture considérable, et c'est rare dans le monde politique français, Taubira, elle a de la culture. Hein, tu dis Césaire à Hidalgo, elle fait « Non, non, moi c'était par péridural. » Et voilà, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Bien sûr. Hein. Alors là, je sens dans la salle des gens, mais quel, quand même, ils seraient pas en train d'insinuer une forme de racisme? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, moi, pour le peuple noir, j'ai une fascination, un respect extrême. Ce sont des gens, je suis pas con, c'est des gens qui ont tellement souffert, qui ont subi tant d'injustices, et malgré tout, quelle résilience, quelle joie de vivre. Oh, happy day, toi. T'imagines comme ils seraient casse-couilles s'ils avaient rien subi. Et en tant qu'homme blanc, et les blancs dans cette salle, on devrait communier ensemble. On a une responsabilité historique par rapport à ces gens-là. On n'a pas toujours été chic avec eux. Oui, l'esclavagisme, je le dis, c'était limite. Après la colonisation, ça se discute. Ça, c'est... Ah, pardon, hein. Il y a des plus, il y a des moins. C'est vrai que l'avantage de la colonisation sur la mondialisation, c'est que la colonisation, au moins, elle faisait chier que les Noirs, alors que la mondialisation fait chier tout le monde. Ah bah oui. Et on peut se poser du coup une question philosophique majeure. Est-ce qu'il vaut mieux faire souffrir tout le monde dans l'égalité ou moins de gens dans l'injustice? Là, les racistes... Ah putain, ils nous décomplexent là. Mais j'aborde ces sujets parce que je sais qu'on n'est pas aux États-Unis, il n'y a pas cette haine entre les Noirs et les Blancs. J'ai des yeux, je le vois. Quand je vais à la salle de sport, il y a toujours un Black en train de faire du rameur comme ça, d'une manière tellement intense, tellement pénétrée. Le mec, il est là, à grosses gouttes qu'il sue. Et à un moment, j'ai un cœur. Je vais le voir et je lui dis, mais c'est bon, t'es libre. Oui. Je l'ai affranchi, moi. Alors pas tout de suite, pendant une semaine, je passe à côté, je faisais tch, et le mec il accélérait, mais ça, c'est mon côté enfantin, voilà, bon. Il y a des gens ça, mais comment il dit ça, c'était pareil, il se fait pas emmerder, il n'y a pas des associations, pas du tout, il n'y a pas d'ambiguïté, mes frères, mes sœurs, pas d'ambiguïté. Je veux dire, en tant qu'intermittent du spectacle, je suis évidemment de gauche. Alors, gauche caviar, je précise, hein. Après, je suis pas sectaire, s'il reste la truffe, j'y vais aussi. Mais sauf que, on le sait, parce que moi je fanfaronne pas sur les plateaux télé, mais à la dernière présidentielle, moi j'ai voté Benoît Hamon. Bien sûr, Benoît Hamon, c'est le seul qui défendait des valeurs aristocratiques. Le droit à l'oisiveté et à la rente. Hein, parce que tous les autres crétins à droite, un seul mantra, libérer l'entreprise dans ce pays, ce qu'il faut, quand il faut libérer l'entreprise, et une fois qu'on aura libéré l'entreprise, voilà, il y a des licornes qui vont voler dans le ciel. L'impression que dans ce pays, l'entreprise, c'est connasse enfermé dans un donjon gardé par Philippe Martinez, qui attend qu'un truc, c'est que Pierre Gattaz arrive en slip, j'ai de baisser les charges, oh oui, enfin. Je dis pas que Benoît Hamon, c'est l'alpha et l'oméga de la politique. Attention, hein. C'est vrai que sa mesure de revenu universel, c'était quand même 300 milliards par an. 300. Fonds vente du kebab. Hein. C'est un truc... Quelque part, Benoît Hamon, il fait penser à ce camarade de classe qu'on a tous eu en CM1, CM2. Vous savez, le type un peu idiot et très influençable. Généralement, ça va ensemble. Et dès que tu avais envie de faire rire la classe, tu disais, hey, « Eh Benoît, dis ça à la maîtresse, là. » Non, non, moi, je suis de gauche. Je milite dans une section un peu... La Waffen-Guimauquet, comment ça s'appelle? Moi, je milite pour le rétablissement de la peine de mort pour toutes les personnes qui possèdent une perche à selfie. Mais dans d'atroces souffrances. Hein. Maintenant, tu vas prendre la meilleure photo de toi-même et de l'intérieur. Tu vois, et mes camarades, non, non, non, Proust, pas du tout. Si tu veux être de gauche, la peine de mort, c'est pas dans notre logiciel idéologique. Si tu veux être de gauche, il faut se mobiliser contre le fascisme. Mobilisons-nous contre le fascisme. Je dis, ah bon, contre le fascisme, mais... Ils ne représentent plus rien, les écolos, dans ce pays. Alors, je dis pas qu'Emmanuel Coste fait pas peur, hein, attention, hein. Bouffer bio et finir obèse, c'est bon. Alors, moi, les grosses, je tacle, j'en ai rien à branler. Alors, ça, c'est pas de ma faute. Si entre un saut de cookie et du brocoli, tu choisis le saut de cookie, j'y suis pour rien. Il y a cette démagogie contemporaine, on peut pas les femmes grosses, la grossophobie qu'on a inventée, le truc, il ne faut pas stigmatiser, parce que d'ailleurs, pourquoi est-ce que les créateurs de mode ne font-ils pas des robes pour des femmes aux formes généreuses? Aux formes généreuses. Le principe de la générosité, c'est d'exhiber un truc que les autres ont du plaisir à regarder, hein? Sinon c'est du harcèlement. Je ferme la parenthèse. Et là, mes camarades me disent « Non, mais on s'en fout de ta grossophobie, des écolos, Proust, le fascisme, quand j'en parle, ça veut dire qu'il faut se mobiliser contre le Front National est à nos frousses. » Le Front National, pas du tout, on est tranquille. On a vu le débat de l'entre-deux-tours, l'autre, là, c'est bon, là. Elle est venue avec son truc à napalm, tu veux dire, c'était, voilà. T'es là à parler comme une charcutière en train de touiller de la chair à saucisse, là. « Faut sortir le roi, faut sortir le poulet, je voulais vite, on garde les amas pour la farce. » D'ailleurs, au FN, tous les gens un peu sensibles se sont barrés. Hein. Ah oui, oui. Même très sensibles. Ah oui, oui. Normal que Philippot soit parti. Hein. Ah bah oui. Philippot, tu l'imagines pas avec un casque à pointe. Hein. Ah bah oui. Pas sur la tête. Là, les camarades me disent, mais t'es complètement con, ça c'est la vitrine officielle, le FN, si, si, ça fait peur, parce que je ne suis pas plus que derrière, dans les coulisses, c'est des nazis. C'est des nazis. À quoi je réponds, si seulement. Ah bah, ils seraient beaucoup plus ouverts sur le monde, parce que les nazis, c'était avant tout le goût du voyage. Ou qu'on va à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, Erasmus dans la quête, ou retard dans la main, c'était ça les nazis. Mais les nazis, contrairement au FN, ils n'étaient pas contre le plombier polonais. Au contraire, ils sont allés le chercher au petit réveil. Eh oui. Allez, Piotr, debout là-dedans, on a besoin de toi. On est en train de monter un hammam à Auschwitz. Hop, hop, hop, hop, hop. Je sens que j'ai perdu une moitié de salle. Pas d'ambiguïté, pas d'ambiguïté. Je ne suis pas ici pour défendre le plombier polonais. On a vu ce qu'ils ont fait à Auschwitz, hein. Brancher le gaz sur les douches. Travail de Polak, hein. Alors ça... Alors mes camarades consternés, comme certains dans cette salle, ils disent, mais il est fou ce gars-là. Alors il y en a qui disent, non, laisse parler Proust, laisse-le parler. Mais Proust, admettons que ta Marine Le Pen ne fasse pas peur. Mais tu sais qu'après qu'il y a un Marion Maréchal qui va arriver dans la boutique, et là, qu'est-ce qu'on dit? Et là, le mec, il me coince, parce que Marion Maréchal, je... Je peux pas être objectif. Je reste un homme avant tout. Hein. C'est quand même mal foutu, cette histoire. Il fallait que la plus bonasse du monde politique français, il fallait qu'elle soit sur un mirador avec une swastika sur le bras. Toi, t'es un homme, avec ta sensibilité, ta tendresse. L'autre, tu la vois, t'as envie de lui carchériser la façade, c'est normal. Non mais une nana qui parle autant de panique familiale et de valeurs chrétiennes, ça peut être quelque chose à son vieux, je les connais. Hein. L'idée qu'elle puisse avoir un orgasme en chantant Heidi Heilo, mais alors moi, c'est avec ce petit strabisme en plus, c'est là, comme dans la grande vadrouille. Oh putain. Elle me chauffe le casque, la petite. Non mais la prochaine alerte enlèvement, c'est pour elle. Hein. Si vous voyez passer sur BFM, on cherche la petite Marion, c'est dans ma cave. J'ai déjà planifié le truc, j'ai pointé en bas de chez elle. Imperméable, portrait de Zemmour accroché à ma bite. La petite va tomber dans les pommes, je la fous dans le coffre de ma bagnole, la ramener dans la garée. Allez Marion, réveille-toi, je te laisse 15 mètres, après je réponds plus de rien. Pouah, putain du romarin, bouquet garni. Mais respectueusement. Et je dis à mes camarades, laissez-moi y aller, laissez-moi y aller, laissez-moi la chauffer. Ne veut-il pas connaître son ennemi de l'intérieur, que je leur dis. Et ils me disent, non, rien du tout, Proust. Et en plus, c'est pas bien pour ton image. Réfléchis un peu, Proust, c'est pas bien pour ton image. Si on te chope à une terrasse de café avec Marion Maréchal, c'est pas bien. Et ça, c'est vrai, you got a point. C'est pas une bonne chose. Alors, tu peux faire le kéké avec Najat Vallaud-Belkacem, Rachida Dati... Myriam El Khomri, ça c'est bien pour ton image, ça fait vivre ensemble, ça fait tout ça, pub Benetton. Marion, t'as pas le droit d'y aller, t'as pas le droit. Alors que c'est con, parce que contrairement aux trois autres que je viens de citer, t'as pas la barrière de la langue quand tu rencontres ses grands-parents. T'as rien qu'elle a un grand-père adorable, moi je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Et là, les gens de gauche, on s'en va, on en a assez vu, hein. Détendez-vous, détendez-vous. De toute façon, il faut connaître un truc, c'est que Macron a fait le ménage. Plus d'opposition, plus de Front National, plus de Républicains, plus de socialistes, plus de socialistes. Je pense qu'en France, il y a plus de pandas vivants que de socialistes. Et quand ton dernier panda reproducteur s'appelle François Hollande... Enfin bon, je vais arrêter de parler de handicap, parce que... Et je dis handicap, je sais pas, il y a peut-être des homosexuels dans la salle ce soir, et... Non mais on est à Rodez, c'est pas pour ça qu'il y en a... Il y a toujours quelques adeptes du Caterpillar en terre glaise, hein, c'est sûr. Que je respecte, que je respecte. Mais c'est devenu un handicap avec le... Pardon, avec le mariage pour tous. Aujourd'hui, t'es en couple avec un mec. Avec le mariage pour tous, il peut te demander en mariage. Il peut te demander un enfant. Peut te faire chier comme une meuf. T'as envie de lui dire que t'avais pas assez de problèmes à la base? Hein? Alors attention, moi je suis évidemment pour le mariage pour tous en tant que personne de gauche. Il n'y a pas vraiment d'argument qui s'oppose à cette pratique, hein, c'est vrai. Hein, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans les manifs de droite là? Mais, zéro maman, c'est déprimant. On voit que tu connais pas ma mère. Ah. Ou alors un enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Non, un enfant a besoin de deux adultes. De deux adultes. Donc de deux papas, en général. En plus, ça évitera la radicalisation du gosse. Il paraît que c'est le manque du père qui fait que le gamin se barre en Syrie. Avec deux papas, on est blindé. C'est ça la vraie déradicalisation. Promouvoir l'homosexualité en banlieue, c'est ça le truc. C'est là-bas qu'il faut aller faire la gay pride, hein. Au lieu de la faire dans le marais. Quel est l'intérêt de faire la gay pride dans le marais? Quel est l'intérêt de dire que t'es fier à des gens qui sont d'accord avec toi? Les mecs, ils sont là sur les chars. Trop fier de sucer des bites. Nous aussi. Va faire la même à la Courneuve. Va, va. Alexandrie. Hamdoulila. Va. Non, non, moi je suis pour le mariage pour tous, pour la GPA, pour la PMA. Moi j'aurais adoré être créé par GPA, c'était mon formidable. Tu passes les 9 premiers mois de ta vie dans le ventre d'une ukrainienne, tu la revois 20 ans plus tard, tu peux la sauter. Tu connais déjà le chemin, petit poussé de la chatte. T'es dans cette scène ambiguïté, c'est pas ma mère, j'y vais comme un porc, tu vois. C'est ma mère, je résous mon édipe, t'es gagnant sur tous les plans. PMA, pareil, c'est tellement plus propre, il n'y a pas les miasmes, les fluides, les sécrétions, laboratoire, pipette éprouvette, puis t'arrives dans la vie comme Harry Potter, voilà. Et puis t'es sûr de faire des enfants qui seront sécurisés intérieurement, jamais d'angoisse ces gamins-là. À 3 ans, ton mioche, chien, je veux ma maman, tiens une pipette. Après, je peux pas être tout à fait objectif, parce que moi, mon père récemment m'a fait un aveu terrible, il m'a dit, tiens Gaspard, le jour où tu fais un enfant, ce que je te souhaite pas, pire erreur de ma vie. Non mais je sais qu'il parlait de mon frère et de ma sœur, David et Laura, et C'est tombé comme ça. Hein. Mais tu sais Gaspard, le jour où tu fais un gamin, ça sera pas le coït de ta vie. Je te dis pourquoi papa, mais Gaspard, tu sais très bien qu'on préfère finir dans la bouche. Alors voilà, une réaction molle. Voilà, dès que je sors du cynisme et que j'essaie de parler d'amour, je perds les gens. Une éjac-face, ça devrait être « Oh, chouette, il a un cœur !» Ouais, ok. Ok. Non, mais j'imagine que vous êtes dans des choses plus pragmatiques, hein. Pouvoir d'achat, la CSG, la hausse du diesel, les choses. Tant mieux. L'amour, ça vous intéresse plus. Ok. Heureusement, l'amour, ça ne vous intéresse plus. Les idéologies, ça aussi, c'est fini. Heureusement, il y a 2 ans, vous vous souvenez, cette hystérie autour de l'islam, ce truc. L'islam, on a peur. Religion de guerre, c'est une religion de guerre. Pas du tout. L'islam, c'est une religion de paix. Suffit de lire 3-4 sourates du Coran pour comprendre que Dieu te veut que du bien. Que du bien. Si t'es musulman, bien sûr. Si t'es autre chose, t'as les jours avec. C'est pas la majorité. T'as les jours sans. Mais plutôt que de juger cette religion qui, par certains aspects, est un peu plus virile, plus autoritaire, un peu plus. Ça oui, ça non, un peu plus binaire, il faut se mettre à la place de Dieu. Dieu, il a lancé 3 religions sur le marché: judaïsme, christianisme, islam. Islam, c'est la dernière qu'il a mis sur le marché. Et Dieu, c'est un perfectionniste. Hein. Il va pas mettre sur le marché un truc moins bien que ce qu'il a mis avant. Hein, il s'appelle pas Samsung. Hein. Donc Dieu, il lance 3 religions. Dieu, il lance le judaïsme au départ. Au départ, il est un peu timide. D'ailleurs, il apparaît dans un buisson, soudé dans le désert. Il est là. Tiens, du PQ. Ah oui, merci, sympa. Abraham, premier représentant de commerce. Le gars, il se débrouille plutôt bien. Et très vite, il devient obsédé par des histoires d'immobilier litigieux. Hein. Ah, lui, son truc, c'est hey, « t'as promis, c'est où ?» Non, c'est donné, on prend ses volets. C'est écrit, c'est là. Dieu, il s'énerve. Écoute, laisse tomber, je vais foutre mon fils Jésus, on va voir comment Jésus se débrouille. Au début, Jésus, il fait pas de vagues, marche dessus même. Bon, très bien, tant mieux. Et Jésus, son obsession, c'est pas l'immobilier, c'est l'amour. Alors, allez, c'est aimez-vous. Pff, aïe, c'est pas grave. Je te tends l'autre joue. Aïe, c'est pas grave. Prouille le clou. Aïe, je t'aime quand même. Prouille l'autre clou. T'es le père de ce gamin. Tu le vois se faire foutre des claques à la récré du matin au soir. À un moment, tu te dis là, je vais envoyer Momo, ça va chier. Là, t'as Momo qui arrive maintenant à la prière, c'est 5 fois par jour. À genoux, on envoie les babouches pour que le gars de derrière comprenne ce que c'est que l'hygiène. Une fois par an, tu feras le ramadan, qu'est-ce que c'est? Tu vas rien bouffer de la journée, tu vas t'empiffrer la nuit, ça fera anorexie boulimie. Si à la fin du mois, t'as pas des hémorroïdes et un ulcère, c'est qui le patron? donc c'est logique qu'à un moment tu resserres un peu les rangs et les plus longs, voilà. Donc, je vous conseille de lire le Coran, très beau livre, pas de difficultés particulières. Enfin, si on a eu, c'est que il n'y a pas vraiment de chronologie, parce que tu as Coran de la Mecque, Coran de Médine, bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de pagination, ça fait un peu 222, 3, 12, 4. Enfin, t'as l'impression que le gars, il avait tout compilé au propre dans le désert, il y avait un gros tas, comme ça. Il y a eu un coup de vent. Ça tombait le jour de la remise du manuscrit à l'éditeur. Le gars, il te refait un tas à la va-vite, il ramène ça chez l'éditeur. L'éditeur commence à fêter le truc. Il dit, t'es sûr que c'est bon, là? Le gars en face, qu'est-ce que tu m'embrouilles? Non, pardon, parce que là, t'es pour la guerre, là, t'es pour la paix, là, les juifs, les cathos, faut les cramer, là, c'est des potes, là, c'est faut les recramer, je t'aime, t'aimes plus. Le gars, il a bossé, mais il a un peu acculé, alors il dit, oui, j'aime, j'aime plus, ouais, j'aime. Je suis bipolaire. L'éditeur, il publie quand même le bouquin, et là, il faut voir les génies stratosphériques qui s'emparent du livre. Je rappelle que c'est quand même un livre directement dicté par Dieu, c'est le seul. Donc avant de l'interpréter, t'es un peu modeste, hein. Je ne t'ajoute pas, Yann Moix. Alors, j'ai lu vos derniers bouquins. Vous parlez que de vous, on dirait moi. Je rappelle que la Torah, il faut des années d'études. Le Nouveau Testament, il faut faire théologie. En revanche, pour le Coran, pour certains, 2 mois de tôle suffisent. Un mec, il sort de prison, il se met une nappe bonne maman sur la tête. Alawak, il écrit, c'est pas écrit. T'aimerais que Dieu aille lui parler directement. Hein, qu'il lui dise, hey, Rabbi Mouloud, viens voir. Toi qui sais situer le Moyen-Âge avec une marge d'erreur de 6 siècles. Tu crois pas, dans un premier temps, ça serait mieux de finir ton cahier passeport CE1, CE2, et après, voilà. Parce qu'après, évidemment, ça donne des imams hystériques qui ont une qualité, hein. Ils arrivent à retourner le cerveau de gens qui n'en ont pas, qui disent, très bien. Ça va donner des terroristes que nous, on va pas attraper, parce que les plus beaux chefs-d'œuvre du terrorisme, on les attrape pas en France, on attrape Jawad, mais on n'attrape pas les... Hein, pour ça, il faut aller en Belgique, on attrape Abdeslam. Ça, c'est que Abdeslam, c'est quelque chose. Hein, c'est une œuvre d'art, quand même. Hein. Quand même. Premier kamikaze vivant de l'histoire. Ah, ils l'ont attrapé, ils ne savaient pas. En prison ou au musée Soulages. Ouais, je sais pas. Ah, ça, c'est. Bah, le mec, il a vu ses potes se faire péter en terrasse. Il se dit putain, ça doit faire mal quand même, j'y vais pas. Du coup, il se prend 2 balles dans le pied à la sortie de son truc, là, à Molenbeek. Là, il sort, putain, pop. À l'hosto, 2 heures d'hosto, bam, sorti de l'hosto, en prison. Moi, si j'avais été le médecin, en tant que personne de gauche, je l'aurais respecté dans les soins. Car je respecte toujours les traditions de l'autre, dans sa richesse, sa diversité et son apport à la culture de chacun. Je leur ai fait une charia façon café gourmand. Je leur ai dit, monsieur Abdeslam, par rapport à vos 2 balles dans le cubitus subitunal, pour éviter que ça s'infecte, on a préféré vous retirer les 2 jambes. Et pour éviter que ça gratte, on a enlevé les 2 bras. Et comme on vous a attrapé dans un... Oui. Et comme on vous a attrapé dans un survêt, le coq sportif, donc quelque part, vous aimez la France. On a récupéré les orteils, on a fait une petite crête. Alors, respectueusement, bien entendu. Hein, alors t'imagines le nouvel Abdeslam dans les bras du chirurgien. Ouais, mais en termes de reconversion professionnelle, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah c'est sûr que là, galer dans un concours de ricochet, hein, je sais pas. Parce que moi, je parle de ça, le Coran, je n'en parlerai pas si je ne l'avais pas lu, j'ai lu tout ça. D'ailleurs, j'ai failli me convertir à l'islam, parce que si Dieu existe, il est musulman, je vous le dis tout de suite. Sinon, pourquoi est-ce qu'il a donné les réserves mondiales de gaz et de pétrole au Qatar et l'Arabie Saoudite, hein? Pardon, mais à Lourdes, il n'y a rien. Alors, soit Dieu, c'est pas un géologue, bon, ok. Soit il s'est dit, bon, on va tout foutre là-bas. Toute la richesse, de toute façon il fait 50 degrés à Londres, il y a du sable partout, ils n'auront jamais l'idée de creuser, on sera tranquille pour des siècles et des siècles. Sauf qu'un ric a débarqué, il a creusé, il y avait du pétrole, il dit « Hey, not of money, not money ». À l'époque, il ne fallait pas envoyer un ricain, mais un français businessman un peu retors, un mec qui sait te la faire à l'envers. Il fallait envoyer un Bernard Tapie à l'époque. Il regarde la nappe de pétrole et il dit « Non, mais ça, là, ça, c'est pas du pétrole, ça. Non. Ça, c'est de la... » Couenne de porc liquéfié. Non, sûr, je les connais. Non, mais durant la préhistoire, ici, il y avait une réserve de phoques cochères et une météorite qui se trouvait. Ça a compoté, sédimenté. Quand on est musulman, faut pas rester ici, c'est pas feng shui comme endroit. Oh non. Faut aller à Haïti, là-bas c'est bien. Haïti, y a rien, vous serez tranquille. Enfin, Haïti, y a rien. Alors, ça, c'est le pays, moi, qui m'exaspère. À chaque fois qu'il y a un reportage sur Haïti, tu trouveras toujours des mecs qui vont se plaindre d'être là-bas. Hein. T'auras toujours un mec qui va dire, ouais, mais regardez ici, Haïti, bah, y a rien pour nous, là, y a rien, puis on a rien, puis ça, y a rien, puis nous, là, ici, on a rien. Il y a un cyclone qui passe, on a tout perdu. Tu vas arrêter de te foutre de notre gueule. S'il y a rien, tu peux rien perdre. Et nous, comme des cons, faites des chèques pour Haïti. Tu te fais enculer, oui, jamais. Non, non, moi j'ai... Mais pourquoi est-ce que Dieu, il aurait pu donner la réserve mondiale de quelque chose? Je ne suis pas contre. Mais réserve mondiale d'artichauts et de choux-fleurs, c'est moins dangereux, hein. On va financer le terrorisme avec la vente de produits maraîchers. Là, t'es tranquille, hein. Et c'est là où tu vois que la Bretagne ne sera jamais libre. Non, non, j'ai failli me convertir, moi, c'est parce qu'on dit que c'est facile de se convertir à l'islam, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand t'aimes le vin, parce que dans l'islam, pas d'alcool. En revanche, tu peux être polygame. C'est comme ça, comme ça. Faut préférer baiser que boire. Et moi, comme je baisse que quand je bois, c'est... Ah ben, c'est le seul moment où ma médiocrité sexuelle arrive à m'attendrir, tu sais. Je sais pas si vous avez connu ce moment, il est 2h du matin, t'es complètement bourré, t'as une nana qui s'acharne sur ton truc, tu sais qu'elle va jamais le réveiller, mais t'en as rien à foutre, t'es bien quand même, t'es là. L'impression de voir un hamster qui fait du vélo elliptique. Enfin, c'est des moments de grâce que je souhaite à tout le monde. Pardon, mais c'est vrai que là, les gens se disent « Ah, s'ils nous racontent sa vie privée, ça doit être un peu sale en coulisses, se taper des groupies et tout. Il doit être plein de maladies et tout. » Naturellement. Il y a des séropositifs ce soir dans la salle. Non, mais je parle du sida librement, c'est pas une maladie grave. Hein. D'ailleurs, comme il y a des vieux, c'est une maladie de vieux. Vous pouvez vous permettre de choper ça? Tu chopes ça à 50 ans, il te reste 30 ans d'espérance de vie, t'es dans la moyenne, t'es vite un cancer. Et tu gardes un chouette souvenir, tu dis « Ah, l'autre chaudasse, j'aurais dû me méfier. » Tu vois? Et puis au soin palliatif, ton parcours, il impressionne les gens. On t'admire parce que t'as eu une vie, toi. Tu te retrouves là, t'as que des cancéreux autour. T'es là pourquoi, Proust? Bah, j'ai trop baisé, et toi? Pas bu assez de thé vert? Non, c'est vrai que, pardon, je parle du sida, alors que peut-être Rodez, c'est pas arrivé jusqu'ici. Alors, notre rôle à nous autres artistes, c'est aussi de transmettre des choses que le public ne sait pas. Hein? Alors, le sida, j'explique, c'est une maladie qui ne s'attrape pas par le siège des toilettes. Hein. Sauf si le mec d'avant ne s'est pas retiré, bien sûr. Ça, c'est... Est-ce que je peux enchaîner? Tout le monde a compris la subtilité. Ça, non, c'est important que chacun ait l'image pour au minimum passer une bonne nuit. Alors, on va bien, dans le respect. Non mais le sida c'est pas une maladie grave, c'est ce que j'ai essayé de dire à mon voisin à Paris, je vous l'ai fait court, c'est un blanc à dreadlocks qui fait du ragamuffin. Il y a tué, moi j'en peux plus, la cloison épaisse comme ça, il y a deux jours il me dit « Ah, je pars en Afrique du Sud », je dis « Ah oui, combien de temps? 2 mois ah, ». Et je suis super excité, là-bas il y a pas mal de gonzesses, c'est pareil qu'il y a pas mal de sida aussi. Et moi je lui dis « Non, non, c'est des rumeurs, c'est des rumeurs. Vraiment, si t'as un doute, prends un peu d'oscillococcinum. Quand je l'entends faire ses vocalismes, et je regrette qu'il ait pas eu un abonnement à l'année au Bataclan, mec. Oh. On peut pas rire de tout. Dans le Bataclan, c'est vrai que c'est compliqué de rire de ça, parce que le Bataclan, c'est quand même ce moment où la France entière a dû fraterniser avec les bobos du 11e arrondissement. Hein. C'est, faut le savoir, en province, c'est le bobo qui a ronflé dans cette histoire. C'est le bobo. Il fallait que ça tombe sur eux. Putain, il fallait que ça tombe sur eux. Les mecs allergiques au gluten et au lactose. Les barbus auraient balancé un litre de lait, un sac de farine, il y avait plus de mort dans la salle. Quand j'ai appris que ça s'est passé là-bas, j'ai dit non, pas ici, pas ici, pas ici. Pour reprendre le cri de ralliement de toutes les femmes qui un jour ont essayé d'expliquer le fonctionnement d'une photocopieuse à DSK. Et alors... Et moi, les bobos, voyez-vous, je dois encore vivre avec, je dois les fréquenter, parce que je vais vous faire un aveu qui va peut-être vous choquer. Je suis pas parfait. J'ai mes petites tares. Moi aussi, je suis allergique au lactose, donc une fois par semaine, je suis obligé d'aller au magasin bio pour acheter ma brique de lait d'amande, hein. Et je les croise, ils sont tous là. Pâles, flasques, chétifs, hein. Jamais vu des gens qui prenaient autant soin de leur santé, qui avaient l'air aussi malades, mais... Ils sont là, ondulés, comme ça, là. Entre les bacs de topine en bourre et de navets, là, comme des méduses sodomisées, tu vois. Oh, des légumes qui n'existent plus. Il y a peut-être une raison, hein. C'est... Un jour, je vais commettre un attentat, hein. Je le sais, hein. Je vais arriver avec une seringue chargée de Nutella, je vais les piquer les arbres. Parce que le vrai drame, c'est que ces gens-là, ils auraient survécu durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était leur âge d'or gastronomique. Pas de viande, pas de lait, pas de légumes, que des graines et des topinambours. Donc pour moi, je reste jamais très longtemps dans ce magasin. J'achète la brique d'amande, je passe devant la caissière. Alors la caissière, je sais pas comment c'est en province, mais à Paris, la caissière générique du magasin bio, c'est un peu la zadiste qui essaie de s'intégrer, espèce de machin intermondialiste, les cheveux dégueulasses, t'as l'impression qu'il y a un moineau qui crèche à mi-temps. Tout me passe, hein, quoi. Elle a été livrée le matin avec les champignons de Paris et... T'as envie de lui dire c'est pas parce que c'est bio que t'as pas le droit de te laver. T'as le droit d'être propre. Alors tu sors du truc et là tu croises maman bobo qui vient faire ses courses. Alors la maman bobo parisienne, c'est toujours la même, hein. Engrossé à 30 ans, largué à 31, en train de promener son petit souvenir. Hein. La boîte noire de son crash affectif. Ah, oh, c'est l'amour de ma vie. Non, hein, quel connasse. Le gamin qui est là. Je veux si, comme il y a les week-ends partagés, c'est lui qui donne les ordres. Je veux si, je veux si. Ces gens-là font pas des gosses, mais des syndicalistes sudrail. C'est un. Après, moi, je peux pas être objectif, je déteste les gamins. Alors, moi, dès qu'un pote me dit « Ah, c'est pas la bonne nouvelle », ça rend les parents cons. Moi, dès qu'un pote me dit « Ah, l'autre, ma copine est tombée enceinte », bon, on va se quitter là, mon ami. Hein. On se retrouve dans 3 mois, ou 3 ans, quand on aura la pension alimentaire à payer. Parce que tu sais que l'autre qui tombe enceinte, pendant 9 mois, elle va faire chier au dîner. Ah non, pas d'huîtres, pas de fromage, pas de vin. Tu comprends, je suis quand même en train de devenir mère, elle est là. À gonfler petit à petit. Le mec devient de plus en plus faillot. Ah, t'as jamais été aussi belle. C'est pas vrai, putain. Espèce de furoncle aux hormones, là. Une fois qu'elle a percé le truc, qu'elle a lâché l'eau, alors, comme les deux, ils baissent plus de vie sexuelle. Alors le gamin, ça devient l'alpha et l'oméga du couple, c'est le seul truc qui reste. Comme ils savent pas être parents, parce qu'ils habitent à Paris, personne sait être parent à Paris, ils essaient de convaincre tout le monde à quel point c'est génial d'être parent. Non mais Gaspard, tu te rends pas compte, mais un enfant, ça change ta vie. Je sais, c'est pour ça que j'en veux pas. Et il s'extasie sur des trucs totalement débiles. Il lui dit, non mais, tu te rends pas compte, tous les jours, il fait un truc qu'il faisait pas le jour d'avant. Regarde là, il a pas fait ça hier, il marche rien. Oh, regarde, il est retombé. T'as envie de dire, mais c'est normal, c'est normal. Hein, si à 6 ans, c'est le même qu'à 3 mois, c'est qu'il a un problème, ton gosse. Puis il te parle de sujets dont t'as rien à foutre. Les places de crèche. Ah, mais y a pas assez de places de crèche à Paris. Mais alors qu'est-ce qu'il fout? Il y a pas assez de places de crèche. Alors vraiment, on n'est pas pratique. On va prendre la nounou, ça coûte tout le temps, mais on n'est pas pratique. Hein. Je te dis, mais déjà, si t'aimes ton gosse, tu l'élèves pas à Paris. Tu l'élèves à Rodez, par exemple. Ben oui. Évidemment. Comme ça, évidemment, il est là, il court à travers les plateaux, il apprend des trucs, il parle au crapaud, il rentre le soir, puis trotter, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, on va chasser des tétards, j'ai des ronces dans le cul, c'est bien, ma cousine. Ben oui. Alors que le couillon parisien est là, il sort de l'école, ben, je vais aller chez Zara ou chez Starbucks, putain. Boire des mochaccinos saveur Noël, ben ouais. T'as entendu parler de la rivière La Vologne? L'UCPA fait des stages apnée, ça t'intéresse? Mais moi, je suis poli, je lui dis pas tout ça au gosse. Mais la mère, elle voit qu'il y a une tension, elle dit non, mais vous savez, mon enfant, il est juste hyperactif. Non, il est casse-couille, arrête pas. Non, il est hyperactif. Mon psy m'a dit que. Alors, mon psy m'a dit que. À Paris, le psy, c'est le nouveau curé laïque. Hein. Tout ce que dit le psy, parole d'évangile, à la WAC, hein, c'est un truc. Mais moi, c'est pratique quand t'as une histoire avec une bobotte comme ça, Quand tu sais pas comment la larguer, tu dis ouais, mais tu sais, je me sens pas bien en ce moment, je vois un psy, elle t'écoute. Ah bon? Parce que toi aussi, dans ton enfance, tes parents t'ont pas assez écouté, ont pas permis de faire émerger en toi. Au fond, il y avait un Mozart qui dormait, finalement, à cause d'eux, c'est Kenji Girac qui est sorti. Toi aussi, à 40 ans, tu leur parles pas, parce que c'est à cause d'eux que toi, tu peux pas vraiment devenir totalement adulte et pleinement en possession de ta nature. Et tout ça, ils leur parlent jamais. Tu dis oui, oui, dans les grandes lignes, c'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé de douloureux dans ton enfance? Ah, moi j'ai un drame, hein. Je mangeais une tartine de Nutella, mon frère est passé, il m'a mis sur le pif, je suis allé voir mon père, et mon père, ça l'a fait rire. Je vais plus jamais parler à cet enculé, et... Si tu le fais bien, c'est elle qui te présente ses excuses, hein, faut le savoir. Après, je veux pas... Après, c'est pas mon genre d'accabler les femmes, et j'aimerais que... Cette nana, elle va approcher la quarantaine. On sait que 40 ans pour une femme, c'est compliqué. C'est compliqué. À partir de 40 ans, mesdames, vous savez, les années comptent double. Ouvre les yeux, quoi. Pardon. Hein. À partir de 43, une année compte 7 ans, c'est des années de chien. À partir... C'est vrai qu'elle s'achète un clébard et qu'on comprenne enfin la langue. Et c'est là où se sépare la trajectoire entre la bourgeoise et la bobotte. Alors la bourgeoise a intégré le tragique de son existence. Elle sait que son mari va la tromper tôt ou tard avec plus jeune qu'elle. Hein? Et lui, mais il va compenser en contrepartie. Il va lui acheter des sacs à main, des petites robes, sa petite Mini Cooper, elle va être là. Hein? Elle va faire tapisserie dans les dîners, mais le soir, on va la retrouver toute seule, chialer dans le dressing. Il n'y a rien dans ma vie, mais au moins il y a le fric. À un moment, comme toutes ses amies, elle se fera greffer un canot pneumatique à la place des lèvres. Pour espérer rester à la surface de cet océan de mes désirs. Comme toutes ses copines, elle se fera lifter. C'est-à-dire, mais s'il y a peut-être des dames, des bourgeoises qui veulent se faire lifter, ne faites pas ça, mesdames, catastrophe. Vous n'aurez jamais 60 ans avec la tête d'une nana de 30 ans. Jamais. Jamais. T'aurais 60 ans avec la tête d'un lézard de 30 ans. Oui, ça, c'est possible. Alors, ça, c'est la bourgeoise. La bobotte, c'est différent. Elle approche la quarantaine. Financièrement, elle est moins stable. Elle n'aime pas gérer la solitude. Et il lui faut quelqu'un. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à 40 ans, le drame, c'est qu'elle devient exigeante en amour. À 40 ans, elle a un cahier des charges. Elle exige des choses. Je suis une belle personne maintenant, les connards et les pervers narcissiques, ça suffit parce qu'on a tous droit à une belle histoire. Et moi aussi, j'ai droit à une belle histoire parce que je veux qu'on s'occupe de moi quand on fout des pétales partout. Et tu la regardes, tu dis, mais c'est trop tard. Parce que je t'explique la nouvelle situation. Qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'amour, hein? Là, il y a les petites jeunes de 23-24 ans qui arrivent sur le marché. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme? Délocalisation du désir de l'homme. Concurrence déloyale. Voilà, c'est ton Schengen du cul qui commence, tu vois. Là, t'as la Chine qui arrive et toi, t'as les charges sociales du Danemark. Donc, ça va être compliqué. Parce que pour te trouver un mec, non seulement il va falloir qu'il renonce aux petites jeunes qui arrivent, mais en plus, il devrait être d'accord de te récupérer avec un gamin qui n'est pas de lui. Autant te dire qu'on part d'un marché de niche. Hein. Donc s'il s'intéresse à toi, peu de chance qu'il s'appelle Georges Clooney ou Alexandre Legrand, on est bien d'accord? Bob l'éponge, oui. Ah ça, tu vas trouver. Ah, c'est ce qu'elle va trouver. Un mec qu'elle n'aime pas vraiment, mais fera l'âge pour pallier à sa solitude. Le mec se sait mal aimer, que fera-t-il? Il va s'amuser avec l'enfant pour se rendre utile à cette famille recomposée. Oh que oui, mais personne. Il va jouer avec. Regarde, regarde ta maman, dis bonjour, la regarde, je suis utile, quand je suis un peu une baltringue, mais enfin bon, c'est comme tout ton fils, c'est ça, c'est mon père à l'auteur. Et là, elle va être là, fumer une clope avec sa meilleure amie, sa meilleure amie, qui lui dit, qu'est-ce que tu fous avec lui? Elle, oui, je sais, il sert à rien. Et là, la phrase la plus cruelle que puisse dire une femme sur un homme, il sert à rien, mais il est tellement gentil. Mais va le dégager, fissa, dans 2 mois, 3 semaines, car la nuit, mes frères, mes sœurs, elle cauchemarde. Oh que oui, elle pense encore à son ex, ce gros connard plein de défauts, mais il avait une qualité. Mettez 3 doigts dans sa chatte, c'était le Niagara pendant 4 jours. Mais tout ça, c'est fini. Désormais, c'est le Sahel de l'entrecuisse qui commence. C'est une terre aride et craquelée qui, chaque jour davantage, étend son empire. C'est... le vallon de Manon des Sources que nul nuage ne vient visiter. Chaque jour, la source se tarit petit à petit. On voit de par Dieu qui court. Il n'y a personne là-haut, il n'y a personne. Et ainsi, Rassavik a un cas avec ce deuxième drame qu'on appelle progrès, l'allongement de l'espérance de vie. Cette chose qui permet à l'être humain de profiter plus longtemps d'une maladie chronique. Et qui permet à cette femme, durant les 30 ans de vie qui lui reste, de se souvenir « Remember the times ». Quand c'est elle qui entrait sur le marché de l'amour. Quand c'est elle qui était en position de force. Elle avait 25 ans, 23 ans, 22, tout était frais, tendu, pas de mosaïque au niveau du cul, tout était propre, frais, comme ça. Hautaine, dans les boums, tous les mecs avaient envie d'y aller, même ce pauvre type là, 22 ans, toujours puceau. Il savait pas qu'il ferait rire à Rodez un jour. Et il buvait pour se donner du courage, il avait envie de lui faire des phrases, il avait comme ça le cœur au bord des lèvres. Mais quelle jeune femme de 21 ans, en guise de parade amoureuse, aimerait se faire vomir un abat dans la bouche. Oh que oui, tragique est l'existence. Et c'est là où petit Proust a compris qu'il n'y avait rien de généreux en amour, rien de généreux, car si l'amour était généreux, alors la jolie fille sortirait avec le mec repoussant, et ainsi l'harmonie du monde serait à nouveau rétablie. Comme le Bella sortirait avec la petite moche, généralement la meilleure amie de la jolie, vous savez. Elles vont par pair, hein, la jolie et son ministre des Affaires étrangères. Vous savez, cette petite boulotte et bavarde, hein, qui compense par l'intrigue et les commérages l'intuition profonde que ce sont les vers de terre qui seront les premiers à lui transpercer l'hymen. Vous n'aimez pas la poésie? Mais un jour, cette jeune arrogante de 21, elle aura 80 ans. Et on va la retrouver dans un EHPAD à Carcassonne. 15 femmes pour un homme, comme la retourne, baby. Est-ce qu'on a scrippé le dentier pour obtenir une valse molle de la part du dernier papy à peu près debout? Ce type gravataire qui ne distingue plus l'incontinence de l'éjaculation. Oh, ouais. À 15, est-ce qu'on a dit, à moi, plus à moi. On ramène dans la chambre, on va le secouer, lui faire, puis j'ai joui, non, t'as pissé. Golden shower en guise de dernier sacrement. Permettez-moi maintenant de quitter un peu la sociologie pour redevenir cynique. Parce que là, les gens disent « Oh, quelle misogyne, quelle honte, mais comment peut-il dire des choses ?» Mais sa mère, ça doit être terrible pour sa mère de voir ce qu'est devenu son fils. Et au dernier, on peut se demander, mais où est le père, hein? Il tape sur les femmes, mais le père de la boîte noire, le père des villes, ce nouveau Ulysse, ce nouveau héros, qui est-il? À quoi ressemble-t-il? Ben, c'est un mec qui fait de la trottinette. Voilà. Autrefois, ton père, il travaillait dans les champs, il parlait aux arbres, il rentrait le soir. Qu'est-ce qu'il y a d'avoir tant que les une fille, j'ai de voir. Oh, oh. Aujourd'hui, ton père. Viens, on va voir le dernier Star Wars, c'est canon, hein, fais ta casquette, trop cool. Putain, comment en est-on arrivé là? Aujourd'hui, c'est le gamin qui va consoler le père quand le père a un chagrin amoureux, le mec il s'épanche comme ça, ouais, comment? Et le fils qui va dire, mais t'inquiète pas, papa, il y a plein d'autres putes sur Tinder, tu sais. Puis quand il essaye de faire acte d'autorité, faut pas être là quand le mioche court derrière, enfin quand le père court derrière ses mioches dans un square à Paris, comme ça. Melville, Gabin. Non, vous avez déjà eu des glaces. Je vais sévir, je vais sévir. Non, il me frappe pas. Aïe, aïe. Tiens, 5 euros. Ouais, ouais, tape 5, mon pote, ouais. Toi, tu le surprends en train de se faire humilier par ses propres gosses et le père ose te dire « Ah, oh, les gosses, aujourd'hui, ils ont tellement de personnalité. » Non, c'est toi qui en as pas, essaie pas de renverser le truc. Moi, je serai le père à la schlag, Eins, zwei. Alors, mec, il dit, oui, mais, ah, mais vous êtes pas Proust, vous? Moi, je dis, ouais, c'est un peu importe. Il dit, ah non, mais vous, pardon, hein, ça, moi, ça m'étonne pas, parce qu'on sent que chez vous, il y a une violence, il y a de la violence. Et si je peux me permettre, un jour, vous comprendrez que la violence ne résout rien. Et moi, je dis, ouais, c'est vrai, t'as raison, la violence, ça résout. J'avais oublié que quand les Américains ont débarqué sur les plages normandes, ils ont distribué des bonbons et des dessins aux cheleux. Les cheleux, ils ont fait « Oh, c'est aux cheveux. Oh !» Berlin, c'est par là? Aïe, allô. Alors évidemment, je me suis dit « Je vais m'engager, moi aussi je vais faire un gosse, je vais prouver qu'un autre enfant dans ce monde est possible, je vais en faire un, parce que j'ai une génétique assez exceptionnelle. » Déjà, ma mère est serbe, donc je sais qu'en termes de nettoyage, le gamin, il sera efficace. Mais j'ai laissé tomber cette idée parce que je me suis souvenu de mes cours de biologie. Le gamin, il va pas hériter que de mes gènes à moi. Il va aussi, hériter des gènes de la mère, bien sûr. Alors, c'est pas pour faire de la misogynie primaire, et peut-être que ça va vous choquer, mais je pense qu'il y a des femmes qui, sincèrement, peuvent transmettre des trucs chouettes aux gamins. Ça vous étonne, je sais, mais je le pense, vraiment. C'est juste le genre de nana qui m'attire, moi. Qu'est-ce qu'elle peut apporter aux gosses? Enfin, moi, je m'en fous que ma fille, ce soit une bonne suceuse au gros sein. Ah, ça... Je suis pervers, mais j'ai mes limites. Tu sais que ça va pas être pour moi, ça va me faire du mal, quoi. Voilà. Et après, je me connais. Je sais que je vais faire exprès de rester avec la mère, juste pour l'enfant, parce que je crois beaucoup à la triangulation. Faut quand même qu'il y ait deux référents adultes. Mais je crois pas au couple, ça, très clairement. Le couple, vous, pardon, hein, c'est banal. C'est devenu banal de dire ça. Mais que voulez-vous, hein, le couple, aujourd'hui, c'est... Très vite, l'ennui à deux, la promiscuité à trois, le bruit à quatre. L'affaire du pont de Ligonnès à cinq, hein, c'est... Le couple, c'est tôt ou tard, pyjama, chaussettes, bêtisier de Noël. On est bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Et tout ça parce qu'on vit beaucoup trop longtemps, c'est ça le problème, on vit trop longtemps. Et les couples qui sont là ce soir, soyez lucides, la personne qui vous accompagne, c'est une étape. C'est un moment de votre vie, voilà. Vous faites le tour du France des personnes, là vous êtes au col du Galibier, bon, on ne sait pas combien de temps elle va, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors je dis pas ça des couples de droite, généralement ça dure plus longtemps. Comme il y a des intérêts financiers, c'est plus chiant à défaire. Ah ben il faut vendre la résidence secondaire, distribuer les parts, faire le machin, l'héritage et tout ça. Les avocats qui facturent, le notaire qui facture, si bien qu'à un moment le père de famille regarde la note, il regarde sa femme et dit non mais c'est bon, je t'aime. Tiens, sac à main, pour toi. Tu crois que tu vas m'acheter ? Non, j'en suis sûr. Alors, le sac à main est à la bourgeoise, une sardine est à l'otarie. Je parle, quel débit, blablabla. Je me saoule tout seul, quoi, ça. Je m'étonne qu'après, je reste 3 jours sans parler. Non, mais je... Ah, c'est bien quand ça fait du silence, putain, ça... Profitez de ce moment, tournez-vous vers votre partenaire, là. Regardez-le, et posez-vous la question, qu'est-ce que je fous avec lui? Et vous verrez qu'on tombe toujours sur... Pourquoi est-ce que les gens sont ensemble? Peur de la solitude, conformisme social, habitude, gratuité... Parce que vous savez que c'est chiant de draguer à nouveau, de se séparer de son mec, de mettre toutes les choses au propre, draguer ailleurs, mettre des trucs en place. Le mec, il sait qu'il va faire un budget parce que c'est lui qui va allonger dans les restaurants, les trucs, c'est toujours comme ça. Des féministes, il y en a plein sur les plateaux télé, mais alors dès qu'elles passent la porte d'un restaurant... Ah, moi, je suis jamais tombé sur la fille qui me dit « Non, c'est moi qui t'invite, c'est moi qui te baise après, qu'est-ce que t'en dis ?» J'adore. Ah bah, je suis tout de suite. Et je sais que ce que je raconte, ça percute au moins dans un couple. Il y a un mec qui est là avec sa copine et il dit non, mais Proust, il est totalement aigri, c'est une espèce de parisien, tout ça, écorché, tout ça. Mais nous deux, on va survivre, t'inquiète, mon amour. Mais au fond de lui, il y a une petite voix. Et qui lui dit, il n'a pas tout à fait tort, cet enculé. Et il se dit, ouais, il n'a pas tout à fait tort, ouais. Peut-être que je trouverai pas mieux. Le perfectionnisme, c'est rarement un truc de couple. Alors, le couple, c'est le seul endroit où la résignation est perçue comme de la sagesse. Oh, je la connais par cœur, elle me connaît par cœur, risque ce qu'on se fait chier. Le désir est parti, il ne reste plus que l'habitude qui, chaque jour, comme un squelette, toute la chair décharnée, tout ça. Plus que l'habitude et la nuit, on se couche. Et cette question, lequel de nous deux partira plus tôt? Bon, quand même, on a une jolie vie. On a acheté un pavillon à Rodez. Mais c'est peut-être mieux comme ça que de se poser. Ah oui, j'aime plus, mes sentiments étaient là, ils sont descendus ici, ils vont peut-être... C'est tellement facile de savoir quand on aime et quand on n'aime plus. C'est aussi notre rôle, nous autres artistes, de vous expliquer les choses. Je mets à la place du mec qui est là avec sa copine et dit « Oui, dis-moi Proust, est-ce que j'aime la nana qui m'accompagne ?» Très simple, mon ami, très simple. Regarde-la bien et pose-toi une question. Est-ce que tu serais prêt à payer pour coucher avec elle? imagine, tu la connais pas. Tu rentres dans un bar à putes, elles sont 10, elle est là. Est-ce que tu fonces sur elle? Et si oui, combien? Parle pas de 20 balles. Hein. Ça, c'est torché en 10 minutes, tu sais ce qu'elle aime. Maintenant, tu peux aussi te demander, mais elle, est-ce qu'elle aime? Car c'est légitime de se sentir aimée. Très facile, suffit de la tromper. Il faut qu'elle te chope en plein coït avec une autre. Si au moment où elle ouvre la porte, elle dit, t'es vraiment un salaud, mais ça me rend tellement heureuse de te voir heureux. C'est une fille bien. Car elle respecte ton bonheur, elle respecte ton plaisir, ton intériorité. Oh que oui. Si à l'inverse, elle te dit, t'es un connard, tu ne me reverras plus jamais, eh bien bon débarras, espèce d'égoïste. Et en plus, toi, pour l'aménager, t'as fait ça avec sa mère pour que ça reste en famille. Eh oui, gentleman jusqu'au bout que t'as été. Si même ça, elle ne valorise pas, mais il y a un nombre de salopes aujourd'hui, je vous le dis pas. Vous comprendrez bien que si je parle de ce sujet, c'est que j'ai pratiqué le couple à une époque de ma vie, mais j'ai arrêté pour une raison qui va vous sembler évidente, l'excès de sensibilité. Voilà, j'avais tendance à rompre un peu vite, généralement 2 secondes après une éjaculation. Si je rentre chez toi, j'aime pas toutes les mondanités après, dans le lit, à parler, tout ça, à débriefer. S'endormir ensemble, le duvet, un score, on se décore, on fait quand on recouche un coup, non, on pionce ou pas, ah bah il fait froid, il fait chaud, alors il y a trop de lumière, pas assez de lumière. Tu te réveilles au milieu de la nuit, elle est en train de te regarder, un chaton avec un suppôt de l'exomine dans le fion. Si les femmes au moins faisaient un effort, celui de s'endormir immédiatement après l'éjaculation, ce qu'elles ne font jamais, car mesdames, vous ne comprenez pas que quand l'homme fait l'amour, contrairement à la femme, lui, il bosse. Lui, il y a un geste physique, il est là, bam, il envoie quelque chose. Elle fout rien. Il y en a une qui m'a dit une fois, mais si je bouge un peu des hanches, sois pas grotesque. Vraiment. T'en as dit des conneries, mais alors des conneries, franchement. Mais admettons que tu bouges un peu, mais l'homme, non seulement qu'il bouge, mais en plus, c'est des questions métaphysiques majeures qui lui traversent le ciboulot. Eh oui, du type, qu'est-ce que je fais? Je lâche tout? Où je persiste au risque de débander. Il y a du Hamlet dans ce cas-là. Alors une fois qu'il est arrivé au bout de son projet, qu'il a vu tous ses gamins le fuir d'un coup vers maman, eh ben il a envie de pioncer. Pas d'avoir un koala qui se fait tout câlin. Va faire le ménage, la lessive, je sais pas, fais. Va t'amuser avec tes hobbies à toi. Tu sais ce que c'est une éjaculation pour un homme? Passer en 1 seconde de la libido de DSK à celle de Benoît XVI, ça parle. Alors soit c'est collage, soit il se passe rien, tu dis « Ah, je l'ai échappé belle, bon. » Et soudain, tu l'entends faire un truc, elle monte les coussins du lit, conférence de presse. Le débrief. Elle pense que vous avez baisé pour qu'elle puisse te raconter sa journée. Pas du tout! Et puis alors, quand le désir commence nécessairement à s'étioler petit à petit, que l'habitude a pris le relais, le coït est de plus en plus bref, de plus en plus mou, tout arrive comme ça, mec, pop pop, bonne nuit, clip, on éteint les lumières, personne ne dort, tout le monde regarde le mur en face, cette tension s'installe au niveau du dos, comme ça, le malaise, comme l'iceberg qu'on se prend, comme ça. Même le moustique au plafond est mal à l'aise. Elle commence à mouliner, non, mais me respecte plus, c'est quelque chose qui est en train de partir en couille. Si j'allais voir ailleurs, lui dit non, il devient possessif. Non, mais elle est à moi, il faudrait que j'assure sexuellement. Alors elle a une idée de génie, 6h du matin, érection matinale. Là, j'arrive à déboîter un mammouth pendant 15h. Après, je la prends de dos, j'ai pas la laine en face, tout bénéfice. Et là encore, je poétise. J'ai raconté ça à ma fille hier. Ben ça va, elle a 10 ans, elle peut comprendre. Hein, ça. Enfin bon, c'est pas ce qu'il y a de plus tragique. Hein. Ce qu'elle a compris, tout ça. Non, ce qui est tragique, c'est ce qui est arrivé ici ce soir. Vous avez vu, certains d'entre vous ont quand même beaucoup ri. Certains d'entre vous ont quand même beaucoup ri. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais le rire fonctionne sur le principe de l'identification à la situation proposée. Il y a des gens à Rodez qui vont très mal. Vous n'êtes pas sans faire, parce que moi j'ai dit que des choses tragiques, il faut chialer, dire oh, c'est dégoûtant, tout ça. Les gens rient. Vous êtes pas centré. Alors je vais essayer de vous recentrer, je vais vous raconter le rêve que j'ai fait il y a deux nuits. Deux singes sur un arbre en train de bouffer une banane. Le crépuscule est en train de se faire. Soudain, un des deux singes tombe au sol. Il n'arrive plus à remonter sur l'arbre. C'est le début de l'évolution. Il sait qu'il deviendra homme à terme. Et il angoisse. C'est légitime, il devient plus intelligent, l'angoisse avec l'intelligence. Et là, il essaie de convaincre l'autre. Rejoins-moi ici, tu vas voir, ça va être super. C'est ici qu'on va apprivoiser le feu, inventer la roue, inventer le mixeur connecté. C'est là que va arriver le 21e siècle. Alors ça, faudrait être là. Le 21e siècle, siècle des siècles. Après Mozart, Bach, Modigliani, vont arriver Kenji, Christine and the Queen, Benjamin Biolay, Tragédie sur pattes. Le mec, il va écrire 1000 chansons, pas un tube. Hein? Puis après les prophètes, Jésus, Bouddha, Mahomet, va arriver un nouveau Steve Jobs. Après sa mort, en sa mémoire, chaque année, il y aura une conférence où on va avoir des mecs avec des t-shirts Star Wars qui vont assister au lancement du nouveau produit nécessaire de l'année, la montre qui compte les pas. La montre qui lit les mails, la montre qui se connecte à une borne wifi qui fait baisser un store sur lequel on diffuse un film en 46/29 de réalité giga augmentée, dont le son sortira des coussins du canapé, du lustre et de la brosse à chiottes aux toilettes. Ouh ! Car l'avenir sera connecté, car plus les gens seront connectés à un tas de trucs, moins ils seront connectés à eux-mêmes, et plus on pourra leur faire prendre leurs pulsions pour des besoins. On dira même que c'est bien pour eux, ça fait tourner la machine, ça paye les retraites, les hôpitaux, les routes, les crèches. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, viendra dire « Il faut que les Français consomment parce que c'est bon pour la croissance et c'est bon pour l'emploi. » Et partout, on va gueuler « Le numérique arrive, le numérique est la solution !» Et on mobilisera, véridique, la région Loire, l'Institut de technologie de Lyon et je ne sais combien d'ingénieurs pour créer la basket qui change de couleur à chaque fois qu'on change de musique dans son iPhone. Devant cette découverte majeure de la révolution industrielle, le président en personne viendra admirer le truc. « Ah, mais c'est formidable le numérique, formez-vous à chacun, à tous et à tous. » On ira lui dire à la caissière d'Intermarché au chômage « Allez grognasse, bouge ton cul, enferme-toi dans un garage, achète-toi un ordi, fais-nous de la programmation, toi aussi, invente-nous le Google à la française, car en chacun d'entre nous sommeille un entrepreneur de la Silicon Valley, bien sûr. » Pour déstabiliser les gens, on va accélérer, encore accélérer. Après la 3G, on fera la 4G, la 5, la 6, la 12. On fera les chaînes d'info en continu pour leur dire qu'il se passe tout le temps un truc, qu'il faut surtout rien louper. Oubliant au passage que Radio Londres, c'était 6 fois par jour un bulletin de 10 minutes. Une heure d'info durant une deuxième guerre mondiale, et là, on va les faire rester devant un machin qui va répéter 456 fois. On a retrouvé la voiture des suspects, qui est rouge, qu'on n'en sait pas plus pour le moment. Mais tout de suite, place au direct, on va aux eaux de Beauval. Ouh ! Un panda est né. Pour valoriser les gens, on va inventer l'industrie du luxe. Ça consiste en quoi l'industrie du luxe pour un contemporain ? Faire un sac à main qui coûte 100 balles à faire. Tu mets un logo Louis Vuitton, il vaut 1500 balles, les gens le savent, vont l'acheter quand même. Tu verras, même la secrétaire de direction va être prête à bouffer de la salade pendant 8 mois pour pouvoir se le payer, avoir une existence sociale, le mettre sur les réseaux sociaux, hashtag shopaholic, fashion victim, so happy, bring my kilos back. On va inventer des nouvelles icônes qui vont vendre tout ça, assurer le service après-vente, Jean Moulin de l'intermittence déguisé en panneau publicitaire, pour le moins actrices et acteurs, ils seront là à pérorer des banalités pénétrées à des conférences de presse cannoises. Tout en angoissant à l'idée que Louboutin puisse ne pas leur prêter ses réhausseurs à pute pour la montée des marches. Pour divertir les mecs, on fera acheter une fortune à un travelot brésilien qui court derrière un ballon, on fera des micro-trottoirs le lendemain. Les gens diront « Ah, 200 millions pour un transfert, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est indécent. » Mais on est au SMIC, c'est des échelles de valeur. On verra les mêmes faire la queue devant la boutique du PSG, acheter le maillot à 150 balles. « Mais c'est Paris, moi, Neymar !» On va fédérer les gens, on va leur dire ce qui est important, c'est d'être ensemble, de partager des ondes positives, et on fera l'amour et dans le pré, émission préférée des Français. On ira filmer des agriculteurs, la larme de foutre à l'œil. On leur dira, on cherche votre douce moitié, ça doit être terrible cette solitude en province, puis à un moment le cul d'une chef, ça se dilate, faut bien passer à autre chose. Mais sans honte et sans scrupule, on ira filmer leur misère affective en 16/9, le tout présenté par une demi-pétasse originière, un épi de blé en clé dents. Trop contente sans doute de se venger de ces types qui, n'en étant plus anciens, auraient exploité ses ancêtres sans rémunération. Et pour mieux cacher ce cynisme dans lequel on barbote du matin au soir, comme s'il était possible de masquer des Roland Dévier mal tenus par du pchit au Chanel 5, On inventera le politiquement correct. On dirait faut pas brusquer les gens sont fragiles. Et au fond, derrière un individu, il y a avant tout une victime. Tout le monde y en a être une victime de quelque chose. Et des nouvelles victimes vont apparaître. Les féministes en burkini, les antispécistes kujat, les véganes pro-life, les transgenres fils de déportés, les femmes humiliées par la grammaire française. Oh, c'est vrai que si le masculin domine le féminin dans une phrase, à terme, c'est la déportation des femmes à Auschwitz, on est bien d'accord. Parfois, ils se font secouer par des attentats, ils offriront alors l'image inespérée de leur mollesse et de leur apathie. Ils allumeront des bougies, ils feront des dessins. Sur des places, on verra des mecs avec des pancartes. Vous êtes tous super, faire des câlins gratuits. Free hugs, baby, oh yeah. Pendant que d'autres écriront des livres ultra engagés, du type « Vous n'aurez pas ma haine, crotte zut flûte. » Livre repris sur scène, déboté par une confrérie d'acteurs débiles qui verra l'occasion de faire dégouliner de leur gosier la diarrhée de bons sentiments qui n'arrivent plus à se frayer un chemin vers leur anus. Car au XXIe siècle, les nouveaux gentils auront la gueule ouverte comme des égouts qui débordent après un orage et seront là à sécréter du matin au soir. Au XXIe siècle, plus la violence souterraine grondera, plus les bons sentiments fleuriront à la surface comme des roses sur un tas de fumier. Les rails étaient debout, ils finiront courbés, penchés sur les lumières bleues de leur téléphone portable, comme des poulets élevés en plein air, nostalgiques de leur élevage en batterie. Nostalgiques de leur open space, ou après une journée passée à faire éboueur de boîte mail pour la plupart d'entre eux. Ils iront se bourrer la gueule ou taper de la coke en soirée pour tenter de se reconnecter avec leur petit surhomme métaphysique intérieur. Le vrai drame, c'est que les anciens colonisés voudront en être de la grande fête de la consommation. Ils seront prêts à traverser la Méditerranée à la nage pour y être. Certains couleront à pic, réalisant par là leur désir secret d'un jour s'oublier dans une grande surface. Et la grande blague, c'est qu'on leur dira « Vous êtes libre, vous n'avez jamais été aussi libre, vous avez les réseaux sociaux, vous pouvez vous exprimer, c'est que vous êtes libre, alors exprimez-vous » et ils iront se déverser, postillonner leur petit avis, dégazer leur colère. Comme lorsque trop angoissé pour se soulager d'un poids, on éjacule devant une vidéo porno avant de s'endormir repu. Le XXIe siècle aura inventé la révolte pour les mous, la prise de la Bastille pour les faibles. Dans son canapé, à coup de clic de souris, je guillotine et puis je me couche. Et ainsi ira. J'ai pas fini. Et une fois, mes frères, mes sœurs, qui seront connectés à tout sauf à eux-mêmes, ce jour, ils regarderont un arbre, on en regarde un réverbère. On leur dira maintenant que tu es un robot, que tu n'as plus de sensibilité, puisque c'est le propre de l'homme, n'est-ce pas, la sensibilité. L'intelligence artificielle arrive, c'est déjà trop tard, maintenant tu es un has-been, car un robot sera toujours plus puissant que toi, mais ne sera jamais aussi sensible que toi, ta sensibilité. Alors on va les retrouver groggy, fatigués, à déambuler à gare au bord du monde, et heureusement pour eux, ils auront une qualité préservée, l'amnésie. Celle de ne pas se souvenir que le bonheur, c'était de rester sur la branche, de bouffer une banane et de regarder un soleil noir plonger vers une nuit remplie d'étoiles. Et là, vous êtes centrés, mes frères, bonne nuit.